elle nous rend dément. En 1, 2, 3, 4 ans, 1, 2, 3, 4 mouvements. Si j'agis pour les miens, man, rien d'étonnant. Mec, j'administre par le biais de ma musique un antidote. Je réfléchis à chaque mot, man, j'y vais pas de main morte. Je gis sur votre constitution et toutes vos institutions. Si le savoir est une arme, man, nos cerveaux, nos munitions. Les bourgeois pensent avoir ma mise sur mon galvin. S'ils pensent être aussi transparents que du lin, qu'ils lèvent la main et que le mien le linge. En rien, tu seras jamais grâce à ton œil de lynx. Ceux que sont mes écrits, aux sages en faire le tri. Ceux que sont des écrits, aux sages en faire le tri.